Flanders, 10e partie. Je commençais maintenant à dresser mes comptes. J'avais, par maintes lettres et grande importunité, et aussi par l'intercession de ma mère, obtenu de mon frère un nouvel envoi de quelques marchandises de Virginie, afin de compenser l'avarie de la cargaison que j'avais emportée, et ceci aussi avait été à la condition que je lui scellerais une quittance générale, ce que j'avais dû promettre, si dur que cela me parut. Je sus si bien disposer mes affaires que je fis enlever les marchandises avant d'avoir signé la quittance. Et ensuite je découvris sans cesse un prétexte ou l'autre pour m'échapper et remettre la signature. Jusqu'enfin je prétendis qu'il me fallait écrire à mon frère avant de rien faire. En comptant cette rentrée, et avant d'avoir obtenu les dernières 50 livres, je trouvai que ma fortune se montait tout compris à environ 400 livres. De sorte qu'avec cette somme, je possédais plus de 450 livres. J'aurais pu économiser 100 livres de plus si je n'avais rencontré un malheur qui fût celui-ci. L'orfèvre à qui je les avais confiés fit banqueroute, de sorte que je perdis 70 livres de mon argent, l'accommodement de cet homme n'ayant pas donné plus de 30%. J'avais un peu d'argenterie, mais pas beaucoup, et j'étais assez bien garni d'habits et de linge. Avec ce fonds, j'avais à recommencer la vie dans ce monde. Mais il faut bien penser que je n'étais plus la même femme que lorsque je vivais à Rotherhithe. Car en premier lieu, j'étais plus vieille de près de 20 ans, et je n'étais nullement avantagée par ce surcroît d'années, ni par mes pérégrinations en Virginie, aller et retour, et quoique non m'étant rien, qui pût me rehausser, sinon de me peindre, à quoi je ne m'abaissais jamais, cependant on verra toujours quelque différence entre une femme de 25 ans et une femme qui en a 42. Je faisais d'innombrables projets pour mon état de vie futur, et je commençais à réfléchir très sérieusement à ce que je ferais, mais rien ne se présentait. Je prenais bien garde à ce que le monde me prît pour plus que je n'étais, et je faisais dire que j'étais une grande fortune et que mes biens étaient entre mes mains. La dernière chose était vraie, la première comme j'ai dit. Je n'avais pas de connaissance, ce qui était une de mes pires infortunes, et la conséquence en était que je n'avais personne pour me donner conseil, et, par-dessus tout, que je n'avais personne à qui je pusse en confidence dire le secret de ma condition. Et je trouvais par expérience qu'être sans amis est la pire des situations, après la misère, où une femme puisse être réduite. Je dis femme, parce qu'il est évident que les hommes peuvent être leurs propres conseillers et directeurs, et savoir se tirer des difficultés et des affaires mieux que les femmes. Mais si une femme n'a pas d'amis pour lui faire part de ses ennuis, pour lui donner aide et conseil, c'est 10 contre 1 qu'elle est perdue. Oui, et plus elle a d'argent, plus elle est en danger d'être trompée et qu'on lui fasse tort. Et c'était mon cas dans l'affaire des 100 livres que j'avais laissées aux mains de l'orfèvre que j'ai dit, dont le crédit, paraît-il, allait baissant déjà auparavant. Mais n'ayant personne que je pusse consulter, je n'en avais rien appris et perdu mon argent. Quand une femme est ainsi esselée et vide de conseils, elle est tout justement semblable à un sac d'argent ou à un joyau tombé sur la grande route qui sera la proie du premier venu. S'il se rencontre un homme de vertu et de bons principes pour le trouver, il le fera crier par le crieur et le propriétaire pourra venir à le savoir. Mais combien de fois de telles choses tomberont-elles dans des mains qui ne se feront pas scrupule de les saisir, pour une fois qu'elles viendront en de bonnes mains? C'était évidemment mon cas, car j'étais maintenant une femme libre, errante et déréglée, et je n'avais ni aide ni assistance, ni guide de ma conduite. Je savais ce que je visais et ce dont j'avais besoin, mais je ne savais rien de la manière de parvenir à mon but par des moyens directs. J'avais besoin d'être placée dans une condition d'existence sûre, et si je me fusse trouvée rencontrer un bon mari sobre, je lui eusse été femme aussi fidèle que la vertu même eût pu la former. Si j'avais agi différemment, c'est que le vice était toujours entré par la porte de la nécessité, non par la porte de l'inclination, et je comprenais trop bien par le manque que j'en avais la valeur d'une vie tranquillement établie pour faire quoi que ce fût qui pût en aliéner la félicité. Oui, et j'aurais fait une meilleure femme pour toutes les difficultés que j'avais traversées. Oh, infiniment meilleur! Et jamais, en aucun temps que j'avais été mariée, je n'avais donné à mes maris la moindre inquiétude sur le sujet de ma conduite. Mais tout cela n'était rien. Je ne trouvais point de perspective encourageante. J'attendais, je vivais régulièrement et avec autant de frugalité que le comportait ma condition. Mais rien ne se présentait et mon capital diminuait à vue d'œil. Je ne savais que faire. La terreur de la pauvreté qui s'approchait pesait gravement sur mes esprits. J'avais un peu d'argent, mais je ne savais où le placer, et l'intérêt n'en suffirait pas à m'entretenir, au moins à Londres. À la fin, une nouvelle scène s'ouvrit. Il y avait dans la maison où je logeais une dame des provinces du Nord, et rien n'était plus fréquent dans ses discours que l'éloge qu'elle faisait du bon marché des provisions et de la facile manière de vivre dans son pays. Combien tout était abondant et à bas prix, combien la société y était agréable, et d'autres choses semblables. Jusqu'enfin je lui dis qu'elle m'avait presque tenté d'aller vivre dans son pays, car moi qui étais veuve, bien que j'eusse suffisamment pour vivre, cependant je n'avais pas de moyen d'augmenter mes revenus et que Londres était un endroit rempli d'extravagances. Que je voyais bien que je ne pourrais y vivre à moins de 100 livres par an, sinon en me privant de toute compagnie, de domestique, en ne paraissant jamais dans la société, en m'enterrant dans le privé, comme si j'y fusse contrainte par nécessité. J'aurais dû observer qu'on lui avait toujours fait croire, ainsi qu'à tout le monde, que j'étais une grande fortune, ou au moins que j'avais 3 ou 4 000 livres, sinon plus, et que le tout était entre mes mains. Et elle se montra infiniment engageante, sitôt qu'elle vit que j'avais l'ombre d'un penchant à aller dans son pays. Elle me dit qu'elle avait une sœur qui vivait près de Liverpool, que son frère y était gentilhomme de fort grande importance et avait aussi de vastes domaines en Irlande. Qu'elle partirait elle-même pour s'y rendre dans 2 mois, et que si je voulais bien lui accorder ma société jusque-là, je serais reçu aussi bien qu'elle m'aime, un mois ou davantage s'il me plaisait, afin de voir si le pays me conviendrait. Et que, si je me décidais à m'y établir, elle s'engageait à veiller, quoiqu'ils n'entretinssent pas eux-mêmes de pensionnaires, à ce que je fusse recommandé à quelque famille agréable où je serais placé à ma satisfaction. Si cette femme avait connu ma véritable condition, elle n'aurait jamais tendu tant de pièges ni fait tant de lassantes démarches pour prendre une pauvre créature désolée qui, une fois prise, ne devait point être bonne à grand-chose. Et en vérité, moi, dont le cas était presque désespéré et ne me semblait guère pouvoir être bien pire, je n'étais pas fort soucieuse de ce qui pouvait m'arriver, pourvu qu'on ne me fît point de mal, j'entends, à mon corps. De sorte que je souffris, quoique non sans beaucoup d'invitations et de grandes professions d'amitié sincère et de tendresse véritable, je souffris, dis-je, de me laisser persuader de partir avec elle. Et je me préparais en conséquence pour un voyage, quoique ne sachant absolument pas où je devais aller. Et maintenant, je me trouvais dans une grande détresse. Le peu que j'avais au monde était tout en argent, sauf, comme j'ai dit avant, un peu d'argenterie, du linge et mes habits. Pour des meubles ou objets de ménage, j'en avais peu ou point, car je vivais toujours dans des logements meublés. Mais je n'avais pas un ami au monde à qui confier le peu que j'avais ou qui pût m'apprendre à en disposer. Je pensais à la banque et aux autres compagnies de Londres, mais je n'avais point d'amis à qui je pourrais en remettre le soin et le gouvernement. Quant à garder ou à porter sur moi des billets de banque, des billets de change à ordre ou telle chose, je le considérais comme imprudent, car si je venais à les perdre, mon argent était perdu et j'étais ruiné. Et d'autre part, je craignais d'être volé ou peut-être assassiné en quelque lieu étranger si on les voyait, et je ne savais que faire. Il me vint à la pensée, un matin, d'aller moi-même à la banque, où j'étais souvent venu recevoir l'intérêt de quelques billets que j'avais, et où j'avais trouvé le clerc à qui je m'adressais, fort honnête pour moi, et de si bonne foi qu'un jour où j'avais mal compté mon argent et pris moins que mon dû, comme je m'en allais, il me fit remarquer l'erreur et me donna la différence qu'il eût pu mettre dans sa poche. J'allai donc le trouver et lui demandai s'il voulait bien prendre la peine de me donner un conseil, à moi, pauvre veuve sans amis, qui ne savait comment faire. Il me dit que si je désirais son opinion sur quoi que ce fût dans ce qui touchait à ses affaires, il ferait de son mieux pour m'empêcher d'éprouver aucun tort, mais qu'il me recommanderait aussi à une bonne personne sobre de ma connaissance, qui était également claire dans les mêmes affaires, quoique non dans leur maison, dont le jugement était sain, et de l'honnêteté de qui je pouvais être assuré. Car, ajouta-t-il, je répondrai pour lui et pour chaque pas qu'il fera. S'il vous fait tort, madame, d'un fardin, que la faute en soit rejetée sur moi. Et il est enchanté de venir en aide à des gens qui sont dans votre situation. Il le fait par acte de charité. Je fus un peu prise de court à ces paroles, mais après un silence, je lui dis que j'eusse préféré me fier à lui parce que je l'avais reconnu honnête, mais que si cela ne pouvait être, je prendrais sa recommandation plutôt que celle de qui que ce fût. J'ose dire, madame, reprit-il, que vous serez aussi satisfaite de mon ami que de moi-même, et il est parfaitement en état de vous assister, ce que je ne suis point. Il paraît qu'il avait ses mains pleines des affaires de la banque et qu'il s'était engagé à ne pas s'occuper d'autres affaires que de celles de son bureau. Il ajouta que son ami ne me demanderait rien pour son avis ou son assistance, et ceci, en vérité, m'encouragea. Il fixa le même soir, après que la banque serait fermée, pour me faire rencontrer avec son ami. Aussitôt que j'eus vu cet ami, et qu'il n'eut fait que commencer à parler de ce qui m'amenait, je fus pleinement persuadée que j'avais affaire à un très honnête homme. Son visage le disait clairement, et sa renommée, comme je l'appris plus tard, était partout si bonne que je n'avais plus de cause d'entretenir des doutes. Après la première entrevue, où je dis seulement ce que j'avais dit auparavant, il m'appointa à venir le jour suivant, me disant que cependant je pourrais me satisfaire sur son compte par enquête, ce que toutefois je ne savais comment faire, n'ayant moi-même aucune connaissance. En effet, je vins le trouver le lendemain, que j'entrai plus librement avec lui dans mon cas. Je lui exposai amplement ma condition, que j'étais une veuve venue d'Amérique, complètement esseulée et sans amis, que j'avais un peu d'argent, mais bien peu, et que j'étais près d'être forcenée de crainte de le perdre, n'ayant point d'amis au monde à qui en confier le soin, que j'allais dans le nord de l'Angleterre pour y vivre à bon compte et ne pas gaspiller mon capital, que, bien volontiers, je placerais mon argent à la banque, mais que je n'osais me risquer à porter les billets sur moi. Et comment correspondre là-dessus, ou avec qui, voilà ce que je ne savais point. Il me dit que je pourrais placer mon argent à la banque, en compte, et que l'entrée qu'on en ferait sur les livres me donnerait droit de le retirer quand il me plairait. Que, lorsque je serai dans le Nord, je pourrai tirer des billets sur le caissier et en recevoir le montant à volonté. Mais qu'alors on le considérait comme de l'argent qui roule et qu'on ne me donnerait point d'intérêt dessus. Que je pouvais aussi acheter des actions qu'on me conserverait en dépôt. Mais qu'alors, si je désirais en disposer, il me faudrait venir en ville pour opérer le transfert et que ce serait même avec quelque difficulté que je toucherais le dividende semestriel à moins de venir le recevoir en personne ou d'avoir quelque ami à qui je pusse me fier et au nom de qui fussent les actions afin qu'il pût agir pour moi et que nous rencontrions alors la même difficulté qu'avant. Et là-dessus, il me regarda fixement et sourit un peu. Enfin, il dit, « Pourquoi ne choisissez-vous pas un gérant, madame, qui vous prendrait tout ensemble, vous et votre argent, et ainsi tout souci vous serait ôté ?»« Oui, monsieur, et l'argent aussi, peut-être, » dis-je, « car je trouve que le risque est aussi grand de cette façon que de l'autre. » Mais je me souviens que je me dis secrètement. Je voudrais bien que la question fût posée franchement, et je réfléchirais très sérieusement avant de répondre non. Il continua assez longtemps ainsi, et je crus une ou deux fois qu'il avait des intentions sérieuses. Mais, à mon réel chagrin, je trouvai qu'il avait une femme. Je me mis à penser qu'il fût dans la condition de mon dernier amant et que sa femme fût lunatique ou quelque chose d'approchant. Pourtant, nous ne fîmes pas plus de discours ce jour-là, mais il me dit qu'il était en trop grande presse d'affaires, mais que si je voulais venir chez lui, quand son travail serait fini, il réfléchirait à ce qu'on pourrait faire pour moi, afin de mettre mes affaires en état de sécurité. Je lui dis que je viendrais et le priai de m'indiquer où il demeurait. Il me donna l'adresse par écrit, et en me la donnant, il me la lut et dit « Voici, madame, puisque vous voulez bien vous fier à moi. » « Oui, monsieur, dis-je, je crois que je puis me fier à vous, car vous avez une femme, dites-vous, et moi, je ne cherche point un mari. D'ailleurs, je me risque à vous confier mon argent, qui est tout ce que je possède au monde, et si je le perdais, je ne pourrais me fier à quoi que ce fût. » Il dit là-dessus plusieurs choses fort plaisamment, qui étaient belles et courtoises, et m'eussent infiniment plu si elles eussent été sérieuses. Mais enfin, je pris les indications qu'il m'avait données, et je m'accordai à me trouver chez lui le même soir, à 7 heures. Lorsque j'arrivai, il me fit plusieurs propositions pour placer mon argent à la banque, afin que je pusse en recevoir l'intérêt. Mais il découvrait toujours quelques difficultés où il ne voyait point de sûreté, et je trouvai en lui une honnêteté si sincèrement désintéressée que je commençais de croire que j'avais certainement trouvé l'honnête homme qu'il me fallait et que jamais je ne pourrais tomber en meilleure main. De sorte que je lui dis, avec infiniment de franchise, que je n'avais point rencontré encore homme ou femme où je pusse me fier, mais que je voyais qu'il prenait un souci tant désintéressé de mon salut que je lui confierais librement le gouvernement du peu que j'avais s'il voulait accepter d'être l'intendant d'une pauvre veuve qui ne pouvait lui donner de salaire. Il sourit, puis, se levant avec très grand respect, me salua. Il me dit qu'il ne pouvait qu'être charmé que j'eusse si bonne opinion de lui, qu'il ne me tromperait point et ferait tout ce qui était possible pour me servir sans aucunement attendre de salaire, mais qu'il ne pouvait en aucune façon accepter un mandat qui pourrait l'amener à se faire soupçonner d'agissements intéressés, et que, si je venais à mourir, il pourrait avoir des discussions avec mes exécuteurs, dont il lui répugnerait fort de s'embarrasser. Je lui dis que si c'étaient là toutes les objections, je les lèverais bientôt et le convaincrais qu'il n'y avait pas lieu de craindre la moindre difficulté. Car, d'abord, pour ce qui était de le soupçonner, si jamais une telle pensée pouvait se présenter, c'eût été maintenant le moment de le soupçonner et de ne pas remettre mon bien entre ses mains. Et le moment que je viendrais à le soupçonner, il n'aurait qu'à abandonner son office et à refuser de continuer. Puis, pour ce qui était des exécuteurs, je lui assurai que je n'avais point d'héritier, ni de parents en Angleterre, et que je n'aurai d'autres héritiers ni exécuteurs que lui-même, à moins que je changeasse ma condition, auquel cas son mandat et ses peines cesseraient tout ensemble, ce dont, toutefois, je n'avais aucune intention. Mais je lui dis que si je mourais en l'état où j'étais, tout le bien serait à lui, et qu'il l'aurait bien mérité par la fidélité qu'il me montrerait, ainsi que j'en étais persuadée. Il changea de visage sur ce discours, et me demanda comment je venais à éprouver tant de bon vouloir pour lui. Puis, l'air extrêmement charmé, me dit qu'il pourrait souhaiter en tout honneur qu'il ne fût point marié, pour l'amour de moi. Je souris et lui dis que puisqu'il l'était, mon offre ne pouvait prétendre à aucun dessein sur lui, que le souhait d'une chose qui n'était point permise était criminel envers sa femme. Il me répondit que j'avais tort, car, dit-il, ainsi que je l'ai dit avant, j'ai une femme et je n'ai pas de femme, et ce ne serait point un péché de souhaiter qu'elle fût pendue. Je ne connais rien de votre condition là-dessus, monsieur, dis-je, mais ce ne saurait être un désir innocent que de souhaiter la mort de votre femme. Je vous dis, répète-t-il encore, que c'est ma femme et que ce n'est point ma femme. Vous ne savez pas ce que je suis ni ce qu'elle est. Voilà qui est vrai, dis-je, monsieur. Je ne sais point ce que vous êtes, mais je vous prends pour un honnête homme, et c'est la cause de toute la confiance que je mets en vous. Bon, bon, dit-il, et je le suis, mais je suis encore autre chose, madame, car, dit-il, pour parler tout net, je suis un cocu, et elle est une paix. Il prononça ces paroles d'une espèce de ton plaisant, mais avec un sourire si embarrassé que je vis bien qu'il était frappé très profondément. Et son air était lugubre tandis qu'il parlait. Voilà qui change le cas en vérité, monsieur, dis-je, pour la partie dont vous parliez. Mais un cocu, vous le savez, peut être un honnête homme. Et ici, le cas n'est point changé du tout. D'ailleurs, il me paraît, dis-je, puisque votre femme est si déshonnête, que vous avez bien trop d'honnêteté de la garder pour femme. Mais voilà une chose, dis-je, où je n'ai point à me mêler. Oui, certes, dit-il, je songe bien à l'ôter de dessus mes mains, car pour vous parler net, madame, ajouta-t-il, je ne suis point cocu et content. Je vous jure que j'en suis irrité au plus haut point, mais je n'y puis rien faire. Celle qui veut être paix sera paix. Je changeai de discours et commençai de parler de mon affaire, mais je trouvai qu'il ne voulait pas en rester là, de sorte que je le laissai parler. Il continua à me raconter tous les détails de son cas, trop longuement pour les rapporter ici. En particulier, qu'ayant été hors d'Angleterre quelque temps, avant de prendre la situation qu'il occupait maintenant, elle, cependant, avait eu deux enfants d'un officier de l'armée, et que, lorsqu'il était rentré en Angleterre, l'ayant reprise sur sa soumission et très bien entretenue, elle s'était enfuie de chez lui avec l'apprenti d'un marchand de toile, après lui avoir volé tout ce qu'elle avait pu trouver et qu'elle continuait à vivre hors de la maison. De sorte que, madame, dit-il, elle n'est pas paix par nécessité, ce qui est le commun n'a pas, mais par inclination et pour l'amour du vice. Eh bien, je m'apitoyai sur lui et lui souhaitai d'être débarrassé d'elle tout de bon, et voulus en revenir à mon affaire. Mais il n'y eut point moyen. Enfin, il me regarda fixement. « Voyez-vous, madame, vous êtes venue me demander conseil, et je vous servirai avec autant de fidélité que si vous étiez ma propre sœur. Mais il faut que je renverse les rôles, puisque vous m'y obligez, et que vous montrez tant de bonté pour moi. Et je crois qu'il faut que je vous demande conseil à mon tour. Dites-moi ce qu'un pauvre homme trompé doit faire d'une paix. Que puis-je faire pour tirer justice d'elle ? Hélas, monsieur, dis-je, c'est un cas trop délicat pour que je puisse y donner conseil. Mais il me paraît que puisqu'elle s'est enfuie de chez vous, vous vous en êtes bel et bien débarrassé. Que pouvez-vous désirer de plus ? Sans doute elle est partie, dit-il, mais je n'en ai point fini avec elle pour cela. » C'est vrai, dis-je, en effet, elle peut vous faire des dettes. Mais la loi vous fournit des moyens pour vous garantir. Vous pouvez la faire trompeter, comme on dit. Non, non, dit-il, ce n'est pas le cas. J'ai veillé à tout cela. Ce n'est pas de cette question-là que je parle, mais je voudrais être débarrassé d'elle afin de me remarier. Eh bien, monsieur, dis-je alors, il faut divorcer. Si vous pouvez prouver ce que vous dites, vous y parviendrez certainement, et alors vous serez libre. C'est très ennuyeux et très coûteux, dit-il. Mais, dis-je, si vous trouvez une personne qui vous plaise pour parler comme vous, je suppose que votre femme ne vous disputera pas une liberté qu'elle prend elle-même. Certes, dit-il, mais il serait difficile d'amener une honnête femme jusque-là. Et pour ce qui est des autres, dit-il, j'en ai trop enduré avec elle pour désirer avoir affaire à de nouvelles paix. Là-dessus, il me vint à la pensée. Je t'aurais pris au mot de tout mon cœur, si tu m'avais seulement posé la question. Mais je me dis cela à part. Pour lui, je lui répondis. Mais vous vous fermez la porte à tout consentement d'honnête femme, car vous condamnez toutes celles qui pourraient se laisser tenter, et vous concluez qu'une femme qui vous accepterait ne saurait être honnête. Eh bien, dit-il, je voudrais bien que vous me persuadiez qu'une honnête femme m'accepterait. Je vous jure que je me risquerais. Et puis, il se tourna tout net vers moi. Voulez-vous me prendre, vous, madame? Voilà qui n'est point de jeu, dis-je, après ce que vous venez de dire. Pourtant, de crainte que vous pensiez que je n'attends qu'une palinodie, je vous dirai en bons termes. Non, pas moi. Mon affaire avec vous n'est pas celle-là, et je ne m'attendais pas que vous eussiez tourné en comédie la grave consultation que je venais vous demander dans ma peine. « Mais madame, dit-il, ma situation est aussi pénible que la vôtre peut l'être, et je suis en aussi grand besoin de conseils que vous-même, car je crois que si je ne trouve quelque consolation, je m'affolerai, et je ne sais où me tourner, je vous l'assure. « Eh bien, monsieur, dis-je, il est plus aisé de donner conseil dans votre cas que dans le mien. Parlez alors, dit-il, je vous en supplie, car voici que vous m'encouragez. Mais, dis-je, puisque votre position est si nette, vous pouvez obtenir un divorce légal, et alors vous trouverez assez d'honnêtes femmes que vous pourrez honorablement solliciter. Le sexe n'est pas si rare que vous ne puissiez découvrir ce qu'il vous faut. Bon, alors, dit-il, je suis sérieux, et j'accepte votre conseil. Mais auparavant, je veux vous poser une question très grave. Toute question que vous voudrez, dis-je, excepté celle de tout à l'heure. Non, dit-il, je ne puis me contenter de cette réponse, car, en somme, c'est là ce que je veux vous demander. Vous pouvez demander ce qu'il vous plaira, dis-je, mais je vous ai déjà répondu là-dessus. D'ailleurs, monsieur, dis-je, pouvez-vous avoir de moi si mauvaise opinion que de penser que je répondrais à une telle question faite d'avance? Est-ce que femme du monde pourrait croire que vous parlez sérieusement ou que vous avez d'autres desseins que de vous moquer d'elle? Mais, dit-il, je ne me moque point de vous. Je suis sérieux, pensez-y. Voyons, monsieur, dis-je d'un ton un peu grave, je suis venu vous trouver au sujet de mes propres affaires. Je vous prie de me faire savoir le parti que vous me conseillez de prendre. J'y aurai réfléchi, dit-il, la prochaine fois que vous viendrez. Oui, mais, dis-je, vous m'empêchez absolument de jamais revenir. Comment cela? Dit-il, l'air assez surpris. parce que, dis-je, vous ne sauriez vous attendre à ce que je revienne vous voir sur le propos dont vous parlez. « Bon, dit-il, vous allez me promettre de revenir tout de même, et je n'en soufflerai plus mot jusqu'à ce que j'aie mon divorce. Mais je vous prie que vous vous prépariez à être en meilleure disposition quand ce sera fini, car vous serez ma femme, ou je ne demanderai point à divorcer. Voilà ce que je dois au moins à votre amitié inattendue. Mais j'ai d'autres raisons encore. » Il n'eût pu rien dire au monde qui me donnât plus de plaisir. Pourtant, je savais que le moyen de m'assurer de lui était de reculer, tant que la chose resterait aussi lointaine qu'elle semblait l'être, et qu'il serait grand temps d'accepter le moment qu'il serait libre d'agir. De sorte que je lui dis fort respectueusement qu'il serait assez temps de penser à ces choses quand il serait en condition d'en parler. Cependant, je lui dis que je m'en allais très loin de lui et qu'il trouverait assez d'objets pour lui plaire davantage. Nous brisâmes là pour l'instant et il me fit promettre de revenir le jour suivant au sujet de ma propre affaire, ce à quoi je m'accordai après m'être fait prier. Quoique s'il m'eût percé plus profondément, il eût bien vu qu'il n'y avait nul besoin de me prier si fort.